Chapitre 5. La restitution. Encore toi, petit Florentin, et d'où sors-tu donc ? Dit à Baptiste le valet en question. Cela ne vous regarde pas. Où est votre maître ? Répondit Baptiste sans se laisser intimider par l'air dédaigneux avec lequel le valet l'avait interpellé. Encore une fois, es-tu sorcier ? Et comme tel, traverses-tu les airs sur un manche à balai ? Ou bien comme les diables, voyages-tu sous terre ? Enfin, comment nous as-tu suivis jusqu'à Turin ? De la même manière que vous y êtes arrivé, répliqua Baptiste en imitant l'effronterie du valet. À la différence, cependant, que, comme un valet, vous avez escorté le carrosse et que moi j'étais avec. Dedans, tu veux dire, petit Florentin ? Avec ou dedans, signor français, comme vous le voudrez. Je ne sais pas assez le français pour discuter sur les mots. Non, mais tu me parais assez insolent pour avoir été dedans, répliqua le valet, dont l'insolence à lui baissait. Enfin, voulez-vous me dire où est votre maître ? Insista gravement Baptiste. Au premier, dans le grand salon à droite, s'il vous demande son déjeuner, dites-lui qu'il est bientôt prêt. Et comme vous le voyez, le valet, croyant à la faveur du petit Florentin, ne le tutoyait déjà plus. Sans remercier le laquais, pressé qu'il était d'opérer sa restitution et de reprendre la route de Florence, Baptiste monta l'escalier jusqu'au premier. La porte du salon ouverte lui montra le duc de Guise assis devant une table, le dos tourné à la porte et écrivant. Il avançait lentement, silencieusement, ses deux pièces, l'une d'or et l'autre d'argent, dans sa main, quand, sur son chemin, ayant heurté un meuble, le duc se retourna. « Qui est là ? » dit-il. Puis il resta les yeux fixés sur l'enfant et comme cherchant un souvenir dans ses traits charmants. « Je suis le petit Baptiste Lully, Altesse, » dit l'enfant, qui achevait d'approcher en saluant. « Hier au soir, vous vous êtes trompé sans doute en me donnant cette pièce d'or. » Et cette nuit, vous vous êtes trompé encore en me prenant pour un mendiant et me jetant cette pièce d'argent. Les voici toutes deux. » En achevant ces mots, Baptiste se redressa et posa gravement sur le bord de la table où le duc de Guise écrivait les deux pièces qui brillaient dans sa petite main. « Hier au soir, » dit le duc étonné et regardant attentivement le petit Florentin. « Hier au soir, mais j'étais à Florence et je ne me rappelle pas. Oh, les grands oublient vite !» À ce que disait mon père, mais moi, je ne vous ai pas oublié, Excellence. Voilà votre argent. Maintenant, dites-moi ce que vous vouliez me donner. D'honneur, si je comprends un mot à ce que tu dis, répliqua le prince, croisant ses jambes et continuant à examiner cet enfant dont la figure était si sérieuse et si mignonne à la fois. Si je te reconnais même. Quoi ? Son Excellence ne se rappelle pas, hier au soir, à Florence, devant l'auberge del Santo Spirito, ce petit joueur de violon ? Mon pauvre violon ! Ajouta Baptiste avec un gros soupir qui amena une larme dans son bel œil bleu. Parfaitement, je te remets maintenant. Mais que me veux-tu ? Comment m'as-tu suivi jusqu'ici ? À laquelle de vos questions faut-il d'abord répondre, Excellence ? Le duc sourit de la logique de cette observation et répondit : À la première. Je vous veux que je ne vous veux rien, Altesse. Seulement, je vous répéterai que je voulais vous rapporter votre pièce d'or que vous m'avez donnée hier au soir à Florence. Car je pensais bien que vous vous étiez trompé, que votre intention n'était pas de me donner tant d'argent pour un petit air de violon, qui n'était pas trop mauvais cependant. Et puis, je voulais vous rendre aussi la pièce d'argent que vous m'avez jetée cette nuit pendant qu'on raccommodait votre carrosse, parce que vous m'avez pris pour un mendiant. Je joue du violon pour gagner honnêtement ma vie, mais je ne suis pas un mendiant, entendez-vous, Excellence ? D'honneur, il est charmant, dit le duc en prenant le petit virtuose par la main. « Maintenant, chère et honnête créature, dis-moi comment tu m'as suivi jusqu'ici. »« Ça, c'était assez difficile, Excellence, » dit Baptiste, enhardi par l'air de bonté du duc. « Vous saurez d'abord qu'après avoir ramassé la pièce et m'être aperçu que vous vous étiez trompé, je vous ai suivi dans la salle à manger pour vous la rendre. Mais bast, vous n'étiez plus le même homme que celui du vestibule. Vous ne faisiez pas plus attention au pauvre Baptiste qu'au dernier de vos valets. La force m'a manqué et je n'ai jamais osé vous parler. » Toujours attendant que le courage me revînt, j'ai vu ainsi avancer l'heure du départ. Vous êtes monté en carrosse, les chevaux allaient partir, et comme cependant je ne pouvais pas garder cette pièce, que je devinais que vous n'aviez pas voulu me donner, il m'a bien fallu vous suivre. J'ai grimpé sur le marchepied, et je m'y suis tenu tant bien que mal jusqu'au moment où la voiture s'est cassée. Alors j'ai voulu profiter de cela pour vous remettre l'or et m'en retourner à Florence, où j'ai laissé quelque chose qui me cause bien du chagrin. Allez. « Mais pas du tout. J'approche de votre carrosse pour vous parler, et au lieu de me laisser achever, vous me jetez une pièce blanche en m'appelant mendiant. Oh, ma foi, Excellence, tenez, je vous aurais suivi partout, jusqu'au fin fond du bout du monde, plutôt que de garder cette seconde pièce blanche avec ce titre de mendiant. Seulement, comme le marchepied de votre carrosse n'était pas très commode, j'ai achevé le voyage jusqu'ici dans le panier de votre carlin. Voilà tout, Excellence. Si vous voulez me donner quelque chose pour mon petit air de violon, faites vite, car j'ai hâte de retourner à Florence. Ou, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai laissé quelque chose qui me cause bien du chagrin. Et quoi donc, cher petit ? Mon violon, Excellence. Il ne faut pas rire, Excellence. Car mon violon, voyez-vous, c'est ma fortune, mon gagne-pain, c'est ma vie. Et si j'allais le trouver cassé ? Cette idée me fait frémir. Autant vaudrait me casser les bras, je vous assure. Eh bien, voilà de quoi en acheter un autre, dit le duc de Guise en fouillant dans la poche de sa veste et sortant quelques pièces d'or qu'il posa sur la table à côté de celles que Baptiste y avait déjà mises. Ce ne serait pas le même, Excellence. Qu'est-ce que cela ferait ? Oh, beaucoup, Excellence, beaucoup ! Enfant ! Vous ne comprenez pas ça, vous, Excellence, qu'il y avait toutes sortes de belles choses, qu'il y avait un carrosse, de beaux habits, des chevaux, des domestiques, tout plein de beaux messieurs qui sont vos amis, qu'il y avait de l'argent, beaucoup, beaucoup. Et puis, je ne sais combien de choses, que si vous en perdez une, même deux, vous ne vous en apercevrez sans doute pas. Mais moi, Excellence, ajouta le charmant enfant, les larmes aux yeux, moi, je n'ai au monde que ce violon. Ce violon, c'est mon ami à moi. Un autre violon ne serait qu'un violon, vous voyez que c'est bien différent. Eh bien, prends cet argent et tâche de retrouver ton violon, prends donc. Tout ? Observa Baptiste en ouvrant de grands yeux. Tout ! Répondit le duc en riant. Oh, signor, signor ! Dit Baptiste, saisi à force d'émotion. Le déjeuner de monseigneur est prêt, dit un valet en entrant. Le duc se leva et s'avança vers la salle à manger. Au moment de dépasser la porte, il se retourna, et vit Baptiste, qui n'avait pas encore pris l'argent et qui le suivait des yeux. « Eh bien, qu'attends-tu donc ? » lui demanda-t-il. « As-tu quelque chose à me demander ? Parle. »« Oui, » dit Baptiste avec un élan du cœur. « Je voudrais ne jamais vous quitter. »« Et ton violon ? » ?»« Que voulez-vous ? Ça me fera bien de la peine, mais... » »« En vous voyant, je tâcherai de l'oublier. » »« Eh bien, arrange-toi avec mes gens et suis-moi à Paris, si cela te convient. »« Merci, merci, Excellence, » dit Baptiste, courant baiser la main que le duc lui tendait. Je n'ai pas besoin de vous dire, mes enfants, que Baptiste, admis à la suite du duc de Guise, ne se contenta plus pour siège de voyage du marchepied du carrosse, ni du panier du chien. Il voulut un cheval comme les autres. Mais comme on craignait qu'il ne sût pas bien s'y tenir, le valet avec lequel il avait eu la première discussion, le voyant en faveur auprès du maître, offrit de le prendre en croupe derrière lui. Le voyage se fit sans accident. Voyons donc ce que devint le petit Baptiste à Paris.